partir dans son chanton tous avec Musette. Parti, c'est réussi. Musette Parti a réuni tous nos amis. Les morceaux que l'on a choisis ne sont pas d'aujourd'hui. Ils remplissent nos cœurs de joie, de bonheur. Nous danserons jusqu'à demain. Cœur de plein d'entrain, chassant tous nos soucis et nuit. Musette Parti, c'est notre vie. Et c'est parti dans son chanton tous avec Musette Parti. C'est réussi. Musette Parti a réuni tous nos amis. Si le village est en fête, que la folie guette, ça remplira les cœurs de joie, de bonheur. Pour oublier jusqu'à demain toute peine et tout chagrin, un peu d'accordéon, c'est bon. Bonne année, bonne santé. semaine terminée, sans plus hésiter, vous viendrez alors nous retrouver. Le temps d'une soirée, nous vous ferons rire et chanter. Vous publiez, c'est tellement vrai. Bonne année, bonne santé, avec nous venez danser et revivre ensemble vos belles années. Bonne année, bonne santé, avec nous venez rêver, on pourra ensemble s'amuser. Avec nous, venez danser et revivre ensemble vos belles années. Bonne année, bonne santé, avec nous, venez rêver, on pourra ensemble s'amuser. Bonne année, bonne santé, avec nous venez chanter, vous trouverez l'amour, la joie et l'amitié. Bonne année, bonne santé, avec nous venez trinquer, on pourra ensemble s'éclater. Bonne année, bonne santé, avec nous venez danser et revivre ensemble vos belles années. Bonne année, bonne santé, avec nous venez rêver, on pourra ensemble s'amuser. Eh bien oui, bonne année, meilleurs vœux, bonne santé, surtout plein de musique, plein d'accordéon, de la danse, voilà, de la joie, de la bonne humeur, tout ce que vous voulez quoi pour cette année 2023. Voilà, donc là c'était pour commencer un slow de Michel Pruvot, signé Michel Pruvot. Bonne année, bonne santé, voilà. Extrait de cet album Musette Collection. Voilà. Alors, vous êtes bien dans Musette Party, hein, comme tous les samedis matins, tous les dimanches matins. Alors, sur Radio Guémozo, votre émission Musette Party, le samedi, entre 10h et midi, le dimanche, également à partir de 7h sur Radio Guémozo, également sur Résonance FM à la Bresse. Eh bien, vous nous écoutez sur le 88.1 le samedi à partir de 11h et le dimanche à partir de 5h. Place à la marche et donc je reviens chez vous. Eh bien, le titre phare de cet album de Dominique et Stéphanie Floquet, marche, eh bien, signé Thierry Roch et Nathalie Leguet. Pour la musique, et les paroles sont de Roland Manoury et de André Roch. Allez, en piste avec les marches. Je reviens chez vous. Voilà pour les marches de bonne année, hein. D'année en année, on s'enrichit hein, quand même, hein. Musicalement parlant. Enfin, encore une fois, tous nos bons voeux de bonheur. Hein. Si vous venez de prendre l'antenne, vous êtes bien dans Vous êtes parti. Et merci d'être là pour la première de l'année. Et à présent, bien, on va aller du côté de l'Auvergne avec la petite bourrée, la valse auvergnate. Donc un jeu de mots, labourer, cette saison, labourer, on laboure dans les champs. Et là, eh bien, on part labourer avec Pascal Michaud. D'ailleurs, c'est lui qui va vous le dire. Hein. Extrait de cet album, l'accordéon en bourbonnais. Alors, c'est un morceau, une valse bourrée de Pascal Michaud et de... André Gilles Forestier, voilà. Allez, direction l'Auvergne. Bel album en 20 titres. Hein. Allez, Pascal Michaud, dans Mes êtes parti, eh bien, c'est tout de suite. On chausse les sabots. Amis de la tradition, bonjour en piste. C'est la bourrée. We'll be right back. La promenade en Aveyron, interprété donc par votre serviteur, donc Cyril Renaud, extrait de la compilation Accordéon-nous, volume 2. Une bourrée de Joël Saint-Hillé, de votre serviteur, pour la musique et les paroles, eh bien, sont de Piranha et Crumnacher, parce qu'il y a également des paroles, hein. Cette promenade en Aveyron, voilà. Donc extrait de cette compilation en 26 titres, hein. Accordéon-nous, volume 2. Au son de l'accordéon de votre serviteur, eh bien, je vous donne rendez-vous du côté de la Meurthe-et-Moselle le dimanche 15 janvier 2023. De 14h30 à 19h, hein, pour le thé dansant, donc à la Danse des Anges à Allain, à côté de Colombey-les-Belles. Il sera accompagné également du batteur Frédéric Renaud. Batterie et au chant également. Voilà, donc le dimanche 15 janvier. Donc pour plus d'informations sur l'été dansant du côté de la Danse des Anges à Allain, eh bien voici un numéro de téléphone. Le numéro, eh bien c'est le 06 72 57 14 44. Je répète, 06 72 57 14-44. Voilà, donc après cette série de bourrées, danser le tango. Allez, un petit tango avec Nicolas Devoir. Toujours fidèle à notre amour, eh bien, c'est un tango de Marc Provence, Roger Larchange et Jean-Yves Marnier. Extrait de l'album de Nicolas Devoir, Le bal est en fête. En 21 titres. C'est parti pour le tango. L'accordéon joue et clame. d'Émile Étang, interprété par Christelle Jean-Blanc, extrait de son album, eh bien, c'est ça, la vie d'artiste. 24 titres hein, dans cet album, hein, si vous voulez bien danser chez vous encore. Jour et nuit, eh bien... Très varié, il y a de tout. Ce tango, eh bien, c'est signé Christelle Jean-Blanc. Et pour information, eh bien, si vous voulez danser au son de l'accordéon de Christelle Jeanblanc, eh bien, sachez que le dimanche 15 janvier 2023, eh bien, elle vous fera danser sur la piste du Pierraco à Lavelines devant Bruyère, à côté de Bruyère, pour un thé dansant de 14h30 à 19h. Donc le dimanche 15 janvier. Au Pierraco. Voici donc les numéros du Pierraco. Alors, le premier numéro, alors c'est le 03 29 58 50 65, je répète. 03 29 58 50 65 ou alors 06 28 67 63 87. Je répète 06 28 67 63 87. Donc ça c'est pour le Pierraco. Après le tango, eh bien, on va aller du côté de Cuba. Et voici la danse de Cuba. Eh bien, c'est un cha-cha de Frédéric Lenglet, de Jérôme Richard et de Pierre-Yves Lombard. Extrait de l'album de Olivier Selak. Eh bien, Olivier Selak, eh bien, nous emmène danser cette série de cha-cha. Extrait de cet album 100% danse. Allez, on piste avec le cha-cha-cha dans Musette Party. Merci à Olivier Selak pour cette série de tcha-tcha-tcha dans Musette Party. Sur le 107.0 à Saint-Étienne-lès-Remiremont et sur le 88.1 à la Bresse, sur Résonance FM. Et là, bien, c'était la Villa de Cuba, donc de Olivier Selak et de Jérôme Richard. Le tcha-tcha, eh bien, je vous propose de vous aligner eh bien, pour le Madison avec Laura Vimard. Donc, Laura Vimard, c'est la fille de Christelle Jean-Blanc. Pour ceux qui connaissent Christelle Jean-Blanc, eh bien, voici la fille. Et cet album, à la poursuite des boutons. Donc le Pouli Madison. Un album en 14 titres et ce Madison, eh bien, c'est de Laura Vimard, de Christelle Jean-Blanc. Pour la musique et les paroles sont de Hubert Ledan et Cyril Renaud. Votre serviteur, et c'est chanté par Hubert Ledan. C'est parti pour le Madison. Avec Laura Vimard à l'accordéon et Hubert Ledan au chant. Allez. Simone, bien, merci à Thierry Monico dont vous êtes parti avec ce dernier Madison, eh bien, qui s'appelle nous, enfin on préfère le Madison. Voilà, Madison de Charles Cassonnet et de Thierry Monico. Un album, eh bien, en 14 titres. Voilà pour les petits Madison dans Musette Party. Et après le Madison, on va aller danser la Java avec Michel Prouvot. Accordoniste, chef d'orchestre. Compositeur, présentateur également de l'émission eh bien, qui s'appelle... d'accordéon. Donc la Java qui s'appelle bien la Java, c'est la reine de Java. Il y a reine de Musette, une valse, c'est là, c'est reine de Java. Alors c'est de Michel Prouvot et de David Firmin. En piste avec les Java, et donc pour information, donc si vous voulez retrouver Michel Prouvot sur bien sur votre petit écran, et bien sur un air d'accordéon, on retrouve cette émission tous les jours de 13h30 à 15h sur WEO. Donc c'est une chaîne de la TNT gratuite des Hauts-de-France. Donc les différents canaux, donc le premier eh bien, pour WEO Nord-Pas-de-Calais, eh bien, sur le canal 30. Sur WEO Somme-Aisne-Oise, eh bien, c'est sur le canal 35. Et la chaîne WEO est également diffusée sur les box. Donc, sur un air d'accordéon, on le retrouve sur le box internet. Canal 30, box orange. Canal 356, Bébé Box, eh bien, sur le canal 324. Sur Freebox, eh bien, c'est sur le canal 914. Également sur SFR Box, canal 487. Sur Box Numéricable, également sur le canal 487. Également sur IDF du lundi au vendredi. Donc à 11h30 sur IDF 1. Donc sur le canal 32 de la TNT. Et sur le canal 30 pour les box FAI. Voilà. Donc... trouve de l'accordéon régulièrement avec Michel Prouvot, hein, voilà. Eh bien, reine de Java, tout de suite, Michel Prouvot, dans Musette Party. Merci à Quentin, c'était Quentin Vera dans Musette Partie avec la Java du Canotier, extrait de cet album de Quentin Vera, donc voilà, bel album. Et vous pouvez retrouver cette Java eh bien, de René Grolier, de Quentin Vera et de Phil Bouvier. Voilà Quentin Vera qui nous vient de Manigaud en Haute-Savoie. En 16 titres, donc c'est au temps du Musette cet album. Hein. Eh bien, voici le Boléro, la tendresse avec Franck Salé. Un album en 14 titres. Cet album Souvenir Musette. Et donc, voici ce Boléro, Boléro dans tes yeux, de Marie Adrien et de Franck Salé. Allez, place au Boléro dans Musette Partie. Boléro dans tes yeux. Karine Vigny dans Musette Partie avec ce magnifique boléro eh bien, qui s'appelle Coralie mon ange. Eh bien, c'est un boléro de Alice Ervan, Jérôme Richard et Jean-Marc Torchi. Voilà, extrait de cet album Viva Cracovia dans Musette Partie. Allez, après le boléro, la tendresse, eh bien, on va déhancher un petit peu. C'est le coup d'ouro avec, avec Florent Goris. Et voici un coup d'ouro qui s'appelle El Coup d'ouro Fiesta. Voilà Florent Goris qui nous vient de Haute-Saône. C'est de Daniel Sandric, de Luc Bobrin et de Hubert Ledan. Donc El Coup d'ouro Fiesta, interprété donc par Florent Goris, elle est chantée par Florent Goris. Il nous vient de Bourguignon, les La Charité. Un album en 17 titres. Il s'appelle Bonjour le Portugal. Allez. Allez, El Kuduro Fiesta, Florent Goris. Et l'on n'a plus peur de rien, aujourd'hui c'est la fête. Viens, tes pas ressemblent aux miens, ce soir par tous les moyens, l'ambiance sera parfaite. Viens, mais qui pourra dire combien devant les musiciens seront sur le tempo quand ils nous joueront El Kuduro Fiesta. Oui, ce sera la fiesta. Danse El Kuduro, oui danse, suis la cadence là sous les projecteurs, ça balance. Danse El Kuduro, oui danse, c'est lui qui danse, il est là le bonheur quand on danse. Danse El Kuduro, oui danse, c'est ça qui nous rassemble, c'est là qu'on se ressemble. Un tempo qui nous soulève et qui nous fait bouger sur le même pas, oui c'est ça El Kuduro Fiesta. bien. Merci à Charlotte. C'était Charlotte Buche dans Mes Aides Parties. Hein. Et donc, ce coup d'euro, on va s'amuser de Vincent Carenzi et Charlotte Buche. Extrait de l'album de Charlotte Buche, eh bien, comme au bal. Alors, après Charlotte, eh bien, voici le tonton, Fred. Frédéric Buche. Petit Charleston, allez, que nous avons fait ensemble. Extrait de son album, bien, qui s'appelle La musique est notre liberté. Un album en 25 titres. Et voici donc ce Charleston, eh bien, qui s'appelle Claquette et Charleston. Alors c'est de Frédéric Buche, Myriam Thiébaud, de Christelle Jeanblanc et de votre serviteur. Allez, Claquette et Charleston. Place au Charleston. bien merci à Bruno Lorenzoni dans Musette Party avec ce dernier Charleston, eh bien, qui s'appelle Les Années Dingues. Extrait de cet album Mes Titres en Or, volume 2. Voilà. Un album avec 30 titres, hein, s'il vous plaît. C'est pas mal, hein, quand même. 30 titres dans cet album de Bruno Lorenzoni, enfin interprété par Bruno Lorenzoni, malheureusement au paradis des musiciens. Voilà, c'était le petit moment nostalgique, hein, dans Musette Party. Qui nous venait de Corse. C'est un Corse. Hein. Et ce Charleston, donc, Les Années Dingues, eh bien, c'est de Bruno Lorenzoni. Avec la valse Musette. Allez, voici donc une valse qui s'appelle Les Doigts du Musette. Alors, c'est de Stéphane Courtois-Renou et Jérôme Richard, interprété donc par Stéphane Courtois-Renou, extrait de cet album Spécial Danse Volume 1. Un album en 18 titres. Et Stéphane Courtois-Renou, eh bien, qui nous vient du territoire de Belfort. Allez, place à la valse. Les Doigts du Musette. courte renoue avec cette dernière valse, eh bien la French Valse. Voilà, merci à Stéphane. Danser le tango, et voici le plus beau tango de France. Après le plus beau tango du monde, eh bien, voici le plus beau tango de France de Pierre-Yves Lombard, Jérôme Ortet et Jérôme Richard, donc extrait d'une compilation, eh bien, qui s'appelle 1, 2, 3, musette, accordéon et chansons de France. On retrouve, eh bien, Jérôme et Émilie Ortet, Nathalie Bernard, Christian Mangel, Cédric Després, Michael Richard, Christelle Jeanblanc, votre serviteur, Pierre-Alain Krumnacher. Delphine Hubin également. C'est parti pour le tango, le plus beau tango de France. Très joli tango, hein. Chanté par Émilie et Jérôme Ortet, et interprété par Jérôme Ortet à l'accordéon. Eh bien, les amateurs de tango, c'est à vous. Et vous êtes bien dans Musette Partie, hein, sur Radio Guémozo 107.0 et sur Résonance FM 88.1. De nous suivre. Hein. Merci également aux internautes. Hein. Toujours de plus en plus fidèles à nous écouter. Merci à notre ami Lionel Belluard. Dans Musette Partie avec ce dernier tango qui s'appelle Au Soy Tango, eh bien de Cyril Denré, de Virginie Zeflinski et de Lionel Belluard. Très joli tango donc, que l'on retrouve dans cet album Le Petit Bal Savoyard, un album en 18 titres. Et également avec du chant, avec Lionel Belluard également, puisqu'il est accordéoniste et chanteur. Hein. Il n'est pas donné à tout le monde, le chant. Du côté de la région savoyarde, on va aller dans les Aravis avec Christophe Pesset à l'accordéon et Hubert Ledan. Et voici une belle marche, une très jolie marche. Elle est belle puisque c'est Belle Tournette. De Hubert Ledan et de Christophe Pesset. Voilà, que l'on salue. Allez, place à la marche. Sac à dos pour seul bagage, mais quand je suis arrivé là-haut, j'en avais perdu tous mes mots. C'est le paradis qui m'accueille, bien installé sur le fauteuil. On fait le plein de sensations et l'on profite avec passion du cadeau de cette ascension. Belle tournette, quand je te vois j'ai cette chanson dans la tête. Rien ne l'arrête, c'est terre de fête. J'aimerais toujours ce refrain-là. J'ai pu contempler la splendeur et savourer avec bonheur des paysages merveilleux. Elle m'en avait mis plein les yeux. J'ai dominé le lac d'Annecy, j'ai vu la chaîne des Aravis. Même le Mont Blanc m'a dit bonjour, prenant le chemin du retour. J'ai chanté le long du parcours. Belle tournette, quand je te vois, j'ai cette chanson dans la tête. Rien ne l'arrête, c'est terre de fête. J'aimerais toujours ce refrain-là. J'ai cette chanson dans la tête, rien ne l'arrête, c'est terre de fête. J'aimerais toujours ce refrain-là. J'aimerais toujours ce refrain-là. Amici per ballare, siamo un grande gruppo e balliamo tutto, non vediamo l'ora di iniziare. Tutti appassionati, scapoli ammogliati, ci buttiamo insieme nella pista. E se poi l'orchestra è quella giusta, fino all'alba festa si farà, perché chi fa sempre in movimento, ci tuffiamo dentro nella mischia. Se la comitiva è quella giusta, fino all'alba festa si farà. Perché chi balla, chi balla, perché chi balla vive meglio, meglio, tutta la notte resta sveglio e si diverte insieme a noi. Perché chi balla, chi balla, perché chi balla resta in forma, in forma, la giovinezza gli ritorna e trova la felicità. Insieme nella pista, e se poi l'orchestra è quella giusta, fino all'alba festa si farà. Perché chi balla, chi balla, perché chi balla vive meglio, meglio, tutta la notte resta sveglio e si diverte insieme a noi. Perché Chibala, donc, avec l'orchestre de Mario Riccardi dans Musette Party. Très belle marche. Hein. J'espère que ça vous a mis un peu de baume au cœur, que ça vous a mis dans l'ambiance pour le week-end. Voilà. Vous êtes bien dans Musette Party, en tout cas. Et après, l'orchestre de Mario Riccardi, eh bien, on reste en Italie avec eh bien, Alberto Garzia. Allez. Vient de Grand-sur-Vologne, originaire d'Italie, hein, bien entendu, avec un nom comme ça, Alberto Garzia. Donc voici donc Été romantique. Bien, c'est une valse lente de Alberto Garzia, de Catherine Prudhomme, d'Alexis Ballandier, de Martial Villemain. Voilà, Été romantique, hein, pour l'été passé, qui j'espère a été romantique pour vous. Et donc c'est parti, Été romantique. Ada, donc ce qui veut dire ensoleillé. Donc c'est un morceau de Sylvain Bouc et de Alberto Garcia. Donc dans Musette Partie, et il est midi. Alors bon appétit. Au son de l'accordéon, donc dans Musette Partie. Là, c'était donc Alberto Garcia avec donc cet album Été romantique, hein, qui nous vient de Grange-sur-Vologne. Et après le Boston ou la Valseland, comme vous voulez, eh bien, on va aller du côté de l'Espagne avec un champenois. Là, c'est le troubadour champenois Patrick Messifet et qui nous emmène en Espagne avec le Paso Doble, la Fiesta de Séville, signé Patrick Messifet. Allez, place au Paso Doble. Et le deuxième, eh bien, ce sera Jean-Claude Mausoléo qui nous vient de Meurthe-et-Moselle, de Lunéville. Le deuxième Paso Doble, eh bien, ce sera On aime le Paso Doble, signé Jean-Claude Mausoléo et Daniel Roger. Eh bien, place au Paso Doble. On lâche le taureau. Allez, olé. chantons tous avec Musette Party. C'est réussi. Musette Party a réuni tous nos amis. Les morceaux que l'on a choisis ne sont pas d'aujourd'hui. Ils remplissent nos cœurs de joie, de bonheur. Nous danserons jusqu'à demain. Cœur de plein d'entre nous, chassant tous nos soucis. Et puis, Musette Party, c'est notre vie. Dansons, chantons tous avec Musette Party. C'est réussi. Musette Party a réuni tous nos amis. Si le village est en fête, que la folie guerre, folie, ça remplira les cœurs de joie, de bonheur. Pour oublier jusqu'à un peu d'accordéon, c'est bon. Auditeurs et internautes de Radio Guémozo et Résonance FM, eh bien, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, eh bien, sur le 107.0 à Saint-Étienne-lès-Remiremont et sur le 88.1 à La Bresse, comme tous les week-ends, le samedi et le dimanche. Donc, je vous rappelle les horaires entre 10h et midi sur Radio Guémozo. Le samedi et également sur Résonance FM à partir de 11h le samedi. Et le dimanche, eh bien, c'est dès 5h sur Résonance FM et dès 7h sur Radio Guémozo. Alors rendez-vous demain dimanche à partir de... demain matin, voilà. Je vous ai déjà dit les horaires, donc rendez-vous demain matin. En attendant, eh bien, bonne fin de journée à vous. Bon week-end. Et restez branchés donc sur ces ondes, les programmes continuent. On vous laisse pas comme ça. Eh bien, on va se quitter avec la petite série de valses. Voilà, une série de valses. La première, eh bien, ça va être Silver Burlot. Silver Burlot qui nous vient de Bretagne, Mémoire de Bretagne. Donc c'est le titre de cet album avec de la musique de Théodore Botrel. Donc cette première valse, ça sera Le Breton de Montmartre. Alors, Le Breton de Montmartre, eh bien, c'est une valse de Silver Burlot et Jacqueline Sanchez. Et la deuxième valse, eh bien, ça sera un Meusien avec Michael Clément, donc. On se quittera avec Une Petite Amourette. Un album en 24 titres. Donc Une Petite Amourette, eh bien, c'est de Michael Clément, Christian Coupa, est de Jacques Frougier. Voilà. Et chanté également par Michel Clément, qui nous vient de Verdun. Eh bien voilà, on se quitte avec cette série. Et en attendant de se retrouver, eh bien, rendez-vous pour un nouveau numéro de Musette Party samedi prochain. En attendant, prenez soin de vous. Gros bisous à vous. Et merci encore une fois pour votre fidélité. Et bon appétit. Salut! Petite mansarde, la terre où il est né, il a vu du pays, Belgique ou Canada, mais sa Bretagne chérie jamais ne le quitta. Il cherche à la fortune des lutins aux chamois. Sa première tribune et sa première victoire depuis la Papolaise aussi fleur de blé noir résonne sur les falaises retraçant son histoire. Il porte fièrement bras doux brasse tous les soirs ses pensées en chantant par terre, rue du pressoir. Quand il fermait les yeux, il revoyait Dinan, ça le rendait heureux. Souvenir du bon vieux temps. Ses chansons bien fort avec ferveur. Yeah.